Patrimoine en lumière, chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Patrimoine en Lumière, votre rendez-vous consacré à l'art et à l'histoire d'Amboise. Alors habituellement, nous sommes en compagnie de Guillaume Métayer, responsable patrimoine à la ville d'Amboise. Cette fois, il n'est pas avec nous et pour une bonne raison, puisqu'il nous prépare une surprise, un prochain sujet qu'on a hâte de découvrir sur notre antenne. Donc dans ce dernier numéro, Guillaume nous annonçait un moment fort, la présentation du drapeau révolutionnaire offert en 1791 par les Dames citoyennes d'Amboise à la Garde nationale. Une soirée exceptionnelle, à la fois historique mais aussi solidaire, puisque les volontaires pouvaient soutenir financièrement la restauration de ce symbole rare de notre patrimoine local. Nous avons assisté à cette soirée et on vous y emmène aujourd'hui. Mais avant de revivre ce moment, petit rappel, qu'est-ce que c'est que ce drapeau exactement ? Guillaume Métayer nous l'expliquait dans notre précédent numéro. Alors on parle d'un drapeau qui date de la Révolution, quand rien que ça c'est assez rare. Oui. Mais en plus, ce drapeau il est connu, il est mentionné dans les archives et il a été offert par des femmes, les dames citoyennes d'Amboise. Donc la conservation de ce type d'œuvre très fragile est extrêmement rare, mais évidemment ce drapeau il n'est pas dans un état optimal, d'où la nécessité de le restaurer. Mais du coup il était où depuis tout ce temps ? Alors en fait il a été redécouvert dans les années 1975, dans le grenier de la mairie. Waouh ! Et pour être exposé à cette époque, il a été plastifié, ce qui est une idée pas forcément idéale. Cette feuille plastifiée a suinté, s'est mélangée avec la soie et la peinture du drapeau. Mmh. Et donc, en l'état actuel, on ne peut plus l'exposer au public. Un témoignage précieux donc pour comprendre la valeur historique de ce drapeau, véritable témoin de la période révolutionnaire à Amboise. Lors de la soirée, Lionel Chisson, adjoint au maire d'Amboise en charge du patrimoine, a détaillé les enjeux de la restauration, un travail minutieux, nécessaire pour préserver les matières d'origine et puis permettre évidemment à ce symbole de traverser encore des siècles. Pour ce qui est de la restauration, qui va bien évidemment être fait par des restaurateurs qualifiés dans la règle de l'art, ça consistera d'abord à un dépoussiérage du drapeau, un retrait du film plastique que vous avez pu voir avec l'aide de solvants. Toutes les traces d'adhésif devront être supprimées, puis les fibres seront consolidées, puisqu'on est sur un drapeau en soie ancien. Il y aura également les peintures, qui seront traitées par un restaurateur donc de cette spécialité, pour bien évidemment leur redonner plus d'éclat. Un cadre sera ensuite créé, ce cadre spécial, vu la taille importante du drapeau, qui permettra d'exposer le drapeau dans de bonnes conditions de conservation, ici, au musée d'art et d'histoire d'Amboise, au premier étage, pas très loin de Manon Roland, figure girondine de la Révolution, et du tableau sur Rouget de Lille, qui eux sont dans la salle des mariages. Et on aura la possibilité de retourner de temps en temps ce cadre pour permettre de voir les deux côtés, puisqu'il est, comme vous l'avez pu le remarquer, imprimé des deux côtés. C'est donc une opération importante, coûteuse, et donc on a décidé de lancer une souscription citoyenne pour contribuer à ces travaux de restauration et ce symbole rare et précieux de l'histoire de notre ville. Et oui, on comprend pourquoi restaurer un tel objet demande du temps, du savoir-faire et des moyens. Enfin, Brice Ravier, maire d'Amboise, a tenu à saluer l'engagement de la Fondation du patrimoine ainsi que celui des associations locales qui participent activement à la vitalité et à la transmission du patrimoine amboisien. Je trouve que grâce à la Fondation du patrimoine, et là je refais le symbole, on va réussir à porter ce patrimoine amboisien qui est nombreux. Il n'est pas que dans la pierre, il est aussi dans ce que l'on construit, de ce qu'on a toujours construit ensemble. Et quand je vois un peu l'ensemble des spectateurs ou de ceux qui vont écouter la conférence, je vois les historiales qui font aussi vivre une partie de ce qui a été Amboise et de ce qui a été notre patrimoine aussi, de ce côté intellectuel, mais pas que. Je vois les soldats de l'Empire qui amènent quasiment 500, 600, 700 reconstituteurs tous les deux ans sur l'île d'Or et qui nous font vivre une partie de notre histoire et même une histoire amboisienne. Lorsque je le Conseil des Sages aussi, il y a des membres du Conseil des Sages ici qui, de par leur sagesse légendaire, nous font aussi, nous travaillent sur ce qui a été Amboise mais ce qui pourrait être amélioré Amboise. Et c'est ce temps décalé qui nous permet toujours d'avancer. Et puis il y a aussi des représentants. Il y a Sébastien, c'est vrai, alors, la genèse en Bastia, c'est vrai, pardon, j'avais oublié, mais J'allais finir sur les anciens combattants, enfin, pas anciens à moi. mais Ambassia aussi, hein, qui est là pour le coup, voilà, l'histoire d'Amboise hein, est avec un grand H et Amboise avec un grand A, parce que notre histoire de notre ville, elle est complète, elle est complexe. Et puis je finis par les anciens combattants parce qu'il y a ceux qui l'ont porté et qui ont fait en sorte que le drapeau tel qu'il est représenté ici puisse être mis au fronton de toutes les mairies aussi, mais parce qu'ils sont combattus pour cette liberté. Et la liberté ou la mort amène aussi ce symbole révolutionnaire qui fait que nous vivons dans un pays libre et que nous espérons garder longtemps ce pays libre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Un moment fort donc à la fois chargé d'histoire et tourné vers l'avenir. Ce drapeau révolutionnaire de 1791 n'est pas seulement un objet ancien, c'est un véritable symbole d'engagement citoyen, hier comme aujourd'hui. Si vous souhaitez vous aussi contribuer à sa restauration, sachez qu'il est encore possible de faire un don sur le site de la ville d'Amboise. Chaque participation compte pour préserver ce patrimoine exceptionnel. Merci de votre fidélité à Patrimoine en Lumière et on se retrouve très bientôt avec Guillaume Métayer et sa fameuse surprise. Patrimoine en Lumière, chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville.